À l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, Athanase Ivanov, président d'honneur de l'Union des communistes de Bulgarie, a publié le 2 décembre un entretien. Il a indiqué « Le général Kim Jong-il a approfondi et développé les idées du jutsu créées par le président Kim Il-sung et par la politique de Sun-gun, il a sauvegardé les acquis socialistes. » Et lorsque beaucoup de gens ont perdu l'espoir devant l'écroulement du socialisme dans les pays de l'Europe Est, il a défendu et fait progresser sûrement le socialisme à la coréenne et donné une confiance en la victoire au peuple progressiste du monde, c'est son grand espoir.